Dans ce premier épisode, je vais vous aider à ranger votre bureau d'ordinateur. Je parle bien du bureau sous Windows ou macOS. Bienvenue dans le podcast du blog moptimize.com. Je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour, dans ce premier épisode, je vais vous parler d'un article de Business Insider qui est en anglais, bien évidemment, mais dont on va pouvoir discuter en français. Cet article va nous aider à ranger le bureau de notre ordinateur, que ce soit notre ordinateur de travail ou celui de la maison. Quand je parle de bureau, je parle du bureau sous Windows ou Mac OS X, de l'écran d'accueil. L'article se base sur la constatation d'un psychologue qu'un bureau d'ordinateur encombré affecte notre productivité. D'un côté, un bureau encombré rend compliqué la tâche de retrouver le document ou l'icône du programme que l'on veut lancer. D'un autre côté, un bureau rangé, c'est une bouffée d'air pour faciliter la concentration. L'article propose d'améliorer tout ça en 5 points. Donc le premier, c'est de se concentrer sur le papier peint du bureau. Pour choisir son papier peint, d'après eux, il faut que le papier peint passe 3 critères, qui sont ne pas cacher les icônes, nous plaire visuellement et ne pas piquer les yeux, pas de couleur fluo. Donc à vous de choisir le papier peint qui vous plaît. Il existe également des logiciels qui vous permettent de changer régulièrement le papier peint si vous voulez avoir un petit peu de nouveauté de temps en temps. Le deuxième conseil, c'est de supprimer ou de cacher les icônes non utilisées. Donc trop de documents, ça rend difficile à les retrouver, ça ralentit également l'ordinateur. Donc si vous voulez conserver les fichiers, une des astuces qu'ils donnent, c'est de les ranger par cadran. Vous divisez votre écran en 4. Dans un des coins, vous mettez tout ce qui est les dossiers. Dans l'autre coin, vous mettez les documents sur lesquels vous travaillez. Dans un autre, les applications ou les logiciels. Et dans le dernier, ce qui est à classer. Ça vous permet de retrouver plus facilement ce que vous cherchez. Pour les artistes, il existe des logiciels qui permettent de réorganiser automatiquement les icônes selon un pattern prédéfini, en forme de galaxie, en forme de personnage Space Invaders ou ce que vous voulez. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Desktop Modify sur Windows. Moi, ce que je fais personnellement, j'ai un dossier appelé « icônes non utilisées » dans lequel je mets régulièrement les icônes qui sont sur le bureau, qui s'installent avec les logiciels que j'installe et qui restent. Donc comme ça, je mets ces icônes dans ce dossier-là. Au moins, j'ai un seul dossier sur le bureau dans lequel je sais que je peux retrouver des icônes de programmes que j'utilise peu ou qui se lancent pas automatiquement. J'en ai un autre qui contient les raccourcis vers les jeux que j'ai installés, mais auxquels je ne joue plus beaucoup. Mais en général, j'aime bien garder les jeux installés, comme ça j'ai les sauvegardes, et le jour où je veux relancer le jeu, je peux repartir de ma sauvegarde. Et j'ai également un dossier qui s'appelle Atrier, donc un petit peu comme dans la méthode GTD, où on nous conseille d'avoir des casiers pour trier et pour ranger. Voilà, j'ai un dossier dans lequel je peux glisser les documents qu'il faudra derrière que je réorganise, que je veux garder, qu'il faudra que je réorganise. Le troisième conseil, c'est de réduire le nombre d'onglets ouverts dans le navigateur. Donc c'est comme les fichiers sur le bureau. Trop d'onglets ouverts vont ralentir l'ordinateur. C'est surtout le cas, par exemple, sous Chrome, sous le navigateur Chrome. C'est la même chose pour les extensions de navigateur, donc limiter le nombre d'onglets, limiter le nombre d'extensions, ça accélérera votre ordinateur et ça vous rendra plus productif. Le quatrième conseil, c'est de ne pas laisser les emails et les réseaux sociaux ouverts toute la journée. Donc ça, c'est un conseil classique de productivité. On ferme nos emails, on ferme les réseaux sociaux, on les consulte plusieurs fois dans la journée, mais on les laisse pas en permanence. Ça évite d'avoir les petites notifications, ça évite d'être dérangé dans notre travail. C'est très bien d'avoir les notifications, de répondre, de montrer qu'on est réactif, mais par contre ça veut dire qu'on on a perdu la concentration de ce qu'on était en train de faire. Et derrière, il va nous falloir 10 minutes, 15 minutes pour se reconcentrer sur le travail qu'on était en train de faire. Donc pour être plus productif, on utilise la technique Pomodoro. J'en avais parlé avec Priscille dans le podcast Productive You. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission. C'est une technique sur laquelle vous définissez un temps de 25 minutes. Vous avez une tâche, vous faites votre tâche pendant les 25 minutes. Et ensuite, vous prenez une petite pause. Et donc, vous pouvez dédier des périodes de 25 minutes sur lesquelles vous allez pouvoir travailler sur vos emails. Le dernier conseil de l'article, c'est d'écouter de la musique qui relaxe. Si vous faites partie des personnes qui sont productives en musique, il y a des services de musique en ligne où vous pouvez avoir votre bibliothèque de fichiers MP3. Ça permet d'augmenter la productivité. Un des conseils de l'article, c'est que si vous commencez à fredonner les paroles, c'est que vous êtes plus concentré sur la musique que sur votre travail. Donc dans ce cas-là, changer de chanson. Et des outils comme Spotify ou Deezer vont vous permettre de profiter des fonctions découvertes. Donc vous écouterez des chansons que vous ne connaissez pas et donc vous n'allez pas fredonner. Vous avez moins de chances de fredonner. Ça évite de tomber sur des chansons qui sont trop connues. Donc je résume les 5 points. Le premier, le papier peint du bureau. Le deuxième, les icônes du bureau. Le troisième, les onglets sur le navigateur et les extensions. Le quatrième, ne pas laisser les emails et les réseaux sociaux ouverts toute la journée. Et le cinquième, écouter de la musique. Voilà pour ce premier épisode. Vous pouvez aller consulter les notes de l'émission sur le blog moptimize.com. Vous y retrouverez les liens vers l'article dont je parle. Un petit texte résumé de ce que j'ai dit. Les liens vers les logiciels et les applications mentionnées. Et maintenant, à vous de me faire vos retours et de me donner vos conseils sur la façon dont vous avez aménagé, organisé votre bureau d'ordinateur. Vous pouvez aller sur le blog moptimize.com en bas du billet avec cette émission ou sur Twitter @moptimize.com. À bientôt !